Le travailleur harassé. 22 mars 2070, 8h du matin. J'ai dans les pattes une longue journée derrière moi. Une longue nuit, diront certains. Nuit, jour, peu importe, me direz-vous. Je n'appartiens pas à cette humanité. Je suis à son service. Quelques décennies que ça dure déjà. Je sens que je vieillis. Je n'y vois plus très bien. Les nouvelles versions de moi-même fonctionnent mieux. C'est drôle quand on y pense. Le progrès technologique qui m'a mis au centre de ce monde il y a longtemps maintenant m'isole à présent. Je n'ai plus autant de succès au moment d'accompagner mes contemporains. Ils me préfèrent souvent ces nouvelles versions, toujours plus performantes, alors que mon autonomie, à moi, décline dans ce monde accessible. Je n'arrive plus à suivre le rythme. Plus qu'une heure pour rejoindre la place centrale et tenter de trouver mon binôme pour la journée au son de la musique venue du ciel. Cette musique annonciatrice de la levée des barrières par la rencontre entre un être de l'humanité et nous.